Troisième partie. Monique, une lettre. Alors, la date. Et la lettre est adressée au chef de la publicité de Bernard Frère. Monsieur, virgule à la ligne. Je vous remercie de votre lettre du 5 de ce mois. Point. Comme vous êtes en vacances, du 10 au 20, virgule, je m'empresse de vous répondre. Point à la ligne. Je serai très heureux de faire votre connaissance et de discuter de votre projet avec vous. Point. Pourriez-vous déjeuner avec moi? Point d'interrogation. Je suggère le 25 de ce mois. Point à la ligne. En attendant le plaisir de faire votre connaissance, virgule, je vous prie d'agréer, virgule, monsieur, virgule, l'expression de mes sentiments distingués. Point final.